Schenkendorf. La mort de Scharnhorst. Un guerrier rempli de vaillance qui rompit une noble lance. Prussien, c'est votre général. De Lützen, le champ de bataille, l'égayait avec la mitraille quand l'atteignit le coup fatal. Tu ne m'abattras point à terre, Plonville, je veux être un bon frère. À Prague, menez-moi sanglant, l'Autriche aura ma dernière heure. Mais s'il faut mourir, que je meure où Schwerin mourut dans son sang. Lützen, ville aux sombres victimes, aux seins lancés dans les abîmes, tu prends nos guerriers les plus beaux, on citera tes funérailles. Ville sainte, vers tes murailles nous attire bien des tombeaux. Loin du carnage et de la flamme, les anges ont conduit son âme au sein des cieux, sur le palier de la vieille assise allemande, où l'empereur Charles commande en costume de chevalier. Salut, assemblée immortelle! Apprenez la bonne nouvelle. Le peuple, après un long sommeil, s'est lavé de ses flétrissures. Voyez de combien de blessures j'ai payé son pieux réveil. Ainsi finit son témoignage, et nous lui devons cet hommage qu'il n'a dit que la vérité. Soldats créés par son génie, chasseurs aimés, montrez sa vie au geôlier de la liberté. Vers les sommets, lointain repère qui des aiglons cache les airs, toujours il tourna son regard. Au ciel seul, trouvant l'équilibre, la liberté le faisait vivre. Son nom veut dire montagnard. Schenkendorf portait dans les tourmentes nationales la rêverie fiévreuse, l'extatique enthousiasme d'un saint du martyrologue, Henri Blaze. André Hofer. André Hofer, ce paysan tyrolien qui, jusqu'au jour où il périt fusillé, resta libre et ennemi de la France. Saint-Marc, Girardin. Quand le tyrolien Hofer d'Innsbruck se fut rendu le maître, les écoliers sous sa fenêtre vinrent lui donner un concert. Ils accouraient tous de l'école pour crier vive à leur idole et chanter au son de la viole les beaux exploits d'un héros cher. André leur fait faire silence. « Déposez ces violons, dit-il. La lutte est une jouissance dont la mort vient briser le fil. Au prix des larmes d'une mère, votre hymne serait trop amer. J'ai triomphé sur cette terre, visant au ciel dans le péril. À genoux avec vos rosaires, ce sont là mes plus doux violons. Dans les yeux tournés en prière, Dieu fait briller mille rayons. Priez pour moi, moi, pauvre diable, pour l'empereur si secourable, c'est pour moi l'air le plus aimable, Dieu garde les nobles maisons. Du mal le souvenir me navre, dites au Seigneur comme il est, nous avons semé maints cadavres dans le vallon, dans la forêt. Nous supportons la faim, la veille, plus d'un brave tireur sommeil qui ne rit plus, plus ne s'éveille. Nos besoins, Dieu seul les connaît.